بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ما رأي فضيلتكم في الرجلين يتقابلان فيقول أحدهما لصاحبه لقد تلاقينا صدفة؟ Ils ont posé la question à Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله sur une mas'ala qui est connue. Le fait de dire à son frère, à son ami, à son proche, on s'est rencontré par hasard. Est-ce que ça contredit la croyance au destin? Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Enfin, le fait de dire on s'est rencontré par hasard, ou tu cherches une chose et tu trouves une chose que tu ne pensais pas trouver, ou tu n'y pensais même plus, ah, j'ai trouvé ça par hasard, ça arrive. Mithla hadha al-kalam, qu'on le dise. En arabe, le hasard c'est qawluhu sudfa. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله رأينا في هذا القول أنه لا بأس به إن يقض مال لماذا؟ قال وهو أمر متعارف صحيح سكون que ça soit en langue française, que ça soit en langue arabe, toutes les langues ils ont un mot pour dire هذا. قال وأظن أن فيه حديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمات من نحو هذا لكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص. Ça, ça montre التواضع الشيخ رحمه الله. أنه il sait qu'il y a un hadith ou plusieurs hadith ou qu'il y a ce mot et on s'est rencontré صدفه par hasard. لكن quand il a répondu à la fatwa رحمة الله عليه il ne se rappelait plus. Donc il a cité qu'il y a un hadith لكن il ne peut pas le citer mot à mot. ولله الحمد on a recherché cette masala et on a trouvé deux hadiths. Le premier, رواه الإمام مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال اختصر الحديث فانطلقت به أي بعبد الله بن أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم. ميسم c'est le bâton pour faire le كي. Le كي c'est le fait de soigner avec le feu. فالنبي صلى الله عليه وسلم il avait cette chose. على كل حال ce qui nous intéresse هنا c'est قوله فصادفته. Ça c'est le premier hadith. Et كذلك في سنن أبي داود رحمة الله عليه أن لقيت ابن الصبرة رضي الله عنه قال عنه حديث كذلك وقال وصادفنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. صادفنا أي on l'a rencontré صدفة أي par hasard. Donc tu as ces deux hadiths et ربما d'autres. ثم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له. Et c'est هنا la différence. أما par rapport à nous, pourquoi quand on dit مثلا أنا je sors et je rencontre un frère et quand on se rencontre je lui dis subhanallah on s'est rencontré par hasard. Est-ce que ça veut dire que je ne crois pas au destin? Là ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'avais pas l'intention de le rencontrer, c'était pas prévu, et lui aussi, et on s'est rencontrés. Bien sûr que cette rencontre, ça fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin pour moi et pour ce frère, c'était pas préparé. Enfin, on a le fait de dire par hasard au sudfa, c'est qu'on n'a pas préparé. La différence, مثلا, j'ai un rendez-vous avec un frère. On s'appelle au téléphone, on s'envoie des messages, telle heure, tel endroit. Thumma on se rencontre. Est-ce que via d'al-hal, dès qu'on va se voir, on va dire Masha'Allah, on s'est rencontré par hasard? Abadan. Il y en a, c'était prévu. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen قال رحمه الله ولكن بالنسبة لفعل الله فهذا لا يقع أبدا فإن كل شيء عنده معلوم. أما الله سبحانه وتعالى il sait tout. Enfin, cette rencontre elle n'est pas arrivée par hasard. C'est pour ça que في حق الله أبدا c'est interdit de dire que telle chose c'était par hasard en pensant que ça fait pas partie du destin. Là c'est très très grave. قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كل شيء عنده أو عند الله معلوم وكل شيء عنده بمقدار فهو سبحانه لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا. Et c'est là que certaines personnes ils font l'erreur et quand tu dis ce mot ils te disent directement il n'y a pas de hasard, c'est le destin. Naam, hada c'est fi aqillah, la shak, il n'y a pas de hasard. Lakin, moi, si j'ai rencontré son frère et j'ai dit ce mot, c'est parce que ce n'était pas prévu et je ne savais pas. Enfin, huna, quand on dit par hasard, et c'est comme si tu disais, ce n'était pas prévu, je ne savais pas. Avec l'haqiqa, ça ne fait aucun tort à ta croyance au qadr. Qala, lakin, bin nisbati li, ana wa ant. Hada kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen. ولكن بالنسبة لي أنا وأنت ربما نتقابل بدون ميعاد. C'est ça. On peut se rencontrer, toi et moi, sans rendez-vous préalable. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas décrété. Mais tout est décrété, tout fait partie du destin. Lakin, ana, je ne savais pas, anta, tu ne savais pas. Ce n'était pas prévu pour moi, ce n'était pas prévu pour toi. Qala wa bidoun shu'ur wa bidoun muqaddimat. Qala wa hadha yuqal lahu sudfatun wa la haraj fi. Dans ce cas, si wahad il dit sudfa en arabe ou par hasard en français, il n'y a pas de haraj. قال واما بالنسبه لفعل الله فهذا امر ممتنع ولا يجوز الى فين لا فتوى en répétant un avis في حق الله عز وجل لا شك ان on peut pas dire cela اي rien n'est fait par hasard tout est écrit هذا c'est min bab al ta'bir donc on doit faire attention de ne pas exagérer في هذا الباب واحد dit quelque chose et خاصه ces mots تاملوا. On répète, ces mots, ils ont été employés par des compagnons du prophète, alayhi salatu salam. Et le prophète, alayhi salam, il était vivant. Si ça serait haram, le prophète, alayhi salam, il l'aurait su. Imma par la révélation, imma notre compagnon lui aurait dit. Radiallahu anhum ajma'in. C'est pour ça que quand certains, ils disaient à l'époque du prophète, alayhi salam, ma sha'Allah wa sha'a Muhammad, le prophète, alayhi salam, il a été mis au courant. Et il a dit, la taqulu ma sha'Allah wa sha'a Muhammad. Lakin qulu ma sha'Allah wahdah. Ça nous montre, un si ça serait haram, là, chaque, on aurait eu une interdiction. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité comme preuve, dans certains hadiths, ce mot, il a été cité. Fala haraj. On ne doit pas exagérer dans des choses hakada. Ba'dhum, ils s'accrochent à ce genre de mots. Et Obama, des piliers de l'islam, ils ne les mettent pas en application. Ils s'accrochent à ce genre de mots. Ça fait penser à une autre mas'ala. Ba'dhum, il dit, j'adore ce plat. Est-ce que quand il dit, j'adore ce plat, ça veut dire qu'il va l'adorer? Et il va se soumettre à ce plat. Quand il dit j'adore ce plat, j'adore et j'aime. Et en langue française, il y a plusieurs mots pour dire aimer une chose. Il y a j'adore, il y a j'aime. Et le fait de dire j'adore, c'est un peu plus fort que j'aime. Donc quand Wahad dit j'adore, pardon, il dit directement là, tu adores que Allah. C'est autre chose. Adorer Allah, c'est l'ibad qui est basé sur le mahabba wa ta'zim ila akhri. Lakin la shak anna ba'd an-nas peuvent le mal comprendre ou penser que tu te trompes. Enfin, si tu emploies le mot j'aime et tu évites hada, il y a pas de problème. Lakin penser que celui qui dit j'adore Allah, il est tombé dans le haram et qu'annahu il adore autre qu'Allah et l'ibada, c'est pas comme ça. Wa ba'dhum kama qulna yattache hada, si tu dis madalan j'adore ce fruit, il va te reprendre ila akhri et rubbama huwa il fait pas salat. Rubbama il fait pas le hajj alors qu'il a les moyens. Rubbama il ne fait pas des adorations qui sont obligées pour tout le monde et il s'accroche à ce genre de choses. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah lil-jami'. Et on répète, Anna, s'il y a un mot qui prête à confusion et on peut le remplacer par un autre mot, même si ce n'est pas haram, on s'écarte des confusions. Amma ma yata'allaq bi qawl ba'dihim sudfa, fa hada taqaddam min kalam Cheikh Ibn Uthaymeen annahu la haraj, fa Allah ta'ala a'lam. Naktafi bi hada wa alhamdulillahi rabbil alamin. La référence, Fatawa ala al-Tariq, la fatwa numéro 1813. Wallahu a'lam.